Mes chers bien-aimés, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez bien. Et je voudrais juste faire cette petite exhortation qui te concerne et qui me concerne, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Je crois que lorsque chacun de nous a des difficultés, que ce soit une maladie, que ce soit des difficultés de trouver du travail ou certaines personnes ont des difficultés dans leur couple, dans leur famille. Lorsque nous sommes acculés par l'ennemi, lorsque nous sommes attaqués par les sorciers, lorsqu'il y a des accidents dans notre famille, on pense à une seule personne, l'Éternel, notre Père. Tout le monde se tourne vers lui. Tout le monde, à chaque petit pépin, c'est vers lui qu'on va. Tous nos yeux sont tournés vers lui. Parce que c'est lui qui bénit, c'est lui qui pourvoit à nos besoins. Donc, au moindre petite attaque, petit problème, hop, on va vers le Père. Demander son intervention. Demander de nous guérir, de nous bénir. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Mais est-ce que notre Père peut le faire? Est-ce qu'il peut nous délivrer de toutes les galères? Oui, il peut, il est capable. Et rien ne lui est impossible, que ce soit au ciel, sur terre, sous terre. Rien, il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Mais comment se fait-il que beaucoup galèrent? Beaucoup ne voient rien. Bien-aimés, ouvrez vos Bibles et on va lire dans Proverbes chapitre 27 au verset 11. La Bible dit, « Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. » Vous vous rendez compte? Dieu dit, « J'ai envie de répondre à celui qui m'outrage. » Vous vous rendez compte? Il te demande, toi et moi, sois sage, réjouis mon cœur, mon fils, ma fille, réjouis mon cœur. C'est alors que je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Si tu n'es pas sage, je ne pourrai pas répondre. Sois sage, mon fils, ma fille, pour que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Il y a quelqu'un qui outrage ton père. Quelqu'un outrage ton papa qui est dans les cieux et qui habite en toi par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est grave. Dieu te dit, si tu es sage, je pourrai répondre à celui-là qui m'outrage. Je vais lire dans Ézéchiel au chapitre 12, verset 22. Voici ce que dit la parole, fils de l'homme. Que signifie ce discours moqueur que vous tenez? Dieu s'adresse ici à des moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël. Les jours se prolongent et toutes les visions sont restées sans effet. Vos visions, là, vos prophéties, sans effet. Ce sont les moqueurs, c'était des paroles des moqueurs. Des moqueurs qui s'adressaient aux autres. Enfant de Dieu et à l'Éternel. C'est quoi ce discours que vous tenez? Vous dites que les jours se prolongent, vous ne voyez pas le résultat des visions. C'est sans effet. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Je ferai cesser ces discours moqueurs. Je vous le dis. Vos moqueries là, je les ferai cesser. Ça va s'arrêter. Dieu demande à Ézéchiel de le dire aux enfants d'Israël qui se moquaient de Dieu. Bien-aimés, nous partons dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Sachant avant tout que dans les derniers jours, Dieu nous avertit, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, les moqueurs. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Les moqueurs disent, où est la promesse de son avènement? La promesse est où? Tu nous parles d'un Dieu de miracles, mais nous on ne voit rien. Quand on regarde ta situation, tu nous parles d'un Dieu tout puissant, mais toi tu es toujours comme on t'a toujours connu. Qu'est-ce qui a changé en toi? Mais on te voit malade. Où est la promesse? Tu dis que c'est un Dieu de miracles. Tu dis que quand on a prophétisé, Dieu t'a donné une prophétie. Mais on ne voit pas de résultat. Mais tu es toujours comme on te connaît. Car la Bible dit ici au verset 4, où est la promesse de son avènement? Nous, on ne voit rien. On ne voit rien. Oh. Vous nous fatiguez les oreilles là. Dieu, Dieu, Dieu. Nous, on ne voit rien. Où est la promesse? Mais tu es toujours là, malade. Pourquoi tu n'es pas guéri? Depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme au commencement. Nous, on te connaît toujours comme tu as toujours été. Ça fait des années que tu pries, mais nous, toi, tu es toujours comme on te connaît. Nous, on ne voit pas le changement. Ton Dieu l'a fait quoi? Mais nous, on ne voit rien. Tu nous dis d'aller à l'église, mais nous, on ne voit rien. Ton Dieu l'a fait quoi? Où est la promesse? Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Mais nous, on te connaît. Et tu es toujours comme on te connaît. Nous, on ne voit pas de changement dans ta vie. Dieu veut répondre à celui qui l'outrage. Ce sont des moqueurs. La Bible dit, dans 2 Pierre 3, 3 à 4, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs et leur raillerie. Ces gens sont en train de se moquer de toi. Ils se moquent avec leur raillerie. Hey, toi qui vas à l'église, là, ils rigolent. Parfois, ils sont assis dans un bar en train de boire. Depuis que tu pries là, hein, où sont les bénédictions de Dieu? Moi, je ne prie pas, je roule dans la voiture, mais toi, tu pries, tu es à pied. Moi, je ne prie pas, je suis en bonne santé, mais toi, tu es malade. Où est la promesse? Où sont les bénédictions de Dieu? Toi, là, tu pries, les bénédictions de Dieu sont où? Mais tu es toujours comme on t'a toujours connu. Nous, on ne voit pas de changement. Ton Dieu là, ton Dieu, Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, Jésus. Mais nous, on ne voit rien. Ces personnes outragent ton père. C'est comme s'ils étaient en train de dire, mais ton Dieu l'a fait quoi? Mais nous, on ne voit pas ce qu'il fait. Depuis que tu pries là, tu es toujours comme au début, comme on t'a toujours connu. Nous, on ne voit pas de changement. Ce sont des moqueurs. Dieu dit ici dans 2 Pierre que dans les temps de la fin, il y aura des moqueurs. C'est pourquoi Dieu te dit, mon fils, ma fille, sois sage pour que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Ce sont ces moqueurs-là qui l'outragent. Parce que la Bible déclare que celui qui te touche, touche à la prunelle de son œil. Quand on se moque de toi, c'est lui qui est indexé. C'est pourquoi il veut répondre. Il veut répondre à cette personne. Mais il faut que tu sois sage pour qu'il puisse répondre. Mais Dieu parle de quelle sagesse? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui amène Dieu à agir. Mais si Dieu voit que ta foi, c'est ça, ça monte, ça descend, ça monte, il faut que tu comprennes que la foi ne regarde pas le temps. L'homme de foi ou la femme de foi ne dit pas, ça fait quand même 2 ans que j'attends. Non! L'homme de foi, peu importe le temps, il reste ferme, quel que soit ce que le diable fait. Parce que quand tu t'engages dans la foi, Satan va faire tout pour t'effrayer, pour te faire peur. Et c'est là où la foi de beaucoup de personnes tombe. Mais le diable fait ça expressément pour te faire peur. C'est comme ça que le diable agit. Quand tu t'engages dans quelque chose par la foi, tu marches. Satan va venir comme un lion, pour que tu aies peur. Et c'est là où la foi de beaucoup de personnes tombe. Mais Dieu te dit, sois sage, réjouis mon cœur. Qu'est-ce qui peut réjouir? Qu'est-ce que l'homme peut faire qui puisse réjouir le cœur de Dieu? Qu'est-ce qu'un homme peut faire ou une femme pour que Dieu se réjouisse? La foi. Car il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu se réjouit quand il voit ta foi. Il n'y a que la foi qui peut le faire, qui peut l'amener à se réjouir. La foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. C'est la foi qui réjouit son cœur. Mais s'il ne voit pas ça, il ne pourra pas répondre à celui qui l'outrage. C'est toi qui es le blocage. C'est toi qui l'empêche d'agir. Il faut que tu sois sage. Quand il va voir ta foi ferme, la foi c'est quoi? C'est une confiance totale. Les années passent, les mois passent, les jours passent. Tu restes ferme. Tu ne changes pas parce que ça fait longtemps que tu attends et tu changes. Non! Tu restes ferme. Parce que si tu changes, tout tombe dans l'eau. Notre bien-aimé Seigneur Christ Jésus est dans une barque avec les disciples. Ils veulent traverser. Le diable envoie la tempête, les vagues et tout. Jésus dort tranquillement. La barque faisait ça. La barque faisait ça. Parce qu'il y avait la tempête, il y avait le vent. Vous avez vu un bateau, quand il y a le vent, le bateau fait ça. La barque faisait ça. Il y avait des vagues. Il y avait le vent. Jésus dort tranquille. Jésus a la foi. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours là. Jésus sait, je connais mon Père. Moi, je ne veux pas agir comme ces incrédules-là. Je sais que même si le bateau, même si la barque roule comme un ballon, rien ne m'arrivera tant que le temps de mon Père n'est pas encore arrivé. La foi est tranquille même si le danger est là. Parce que la foi a une confiance en Dieu. Il faut que tu comprennes que Dieu n'habite pas là-bas dans les nuages. Dieu n'habite pas dans les nuages là-bas. Dieu habite en toi par le Saint-Esprit. Il est là. Donc même quand tu marches dans le noir la nuit, il est là avec toi. Il habite en toi. Quand j'entends certaines prières, vraiment des prières des incrédules, j'ai assisté à certaines réunions de prières où quelqu'un prend le micro. « Oh Dieu, nous t'invitons. » Oh Dieu, viens. Oh, j'ai entendu ça dans certaines réunions de prière. Seigneur, nous t'invitons, viens nous assister. Oh Seigneur, descends. Oh, quel Seigneur descend? Tu appelles quel Seigneur? Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel Jésus tu dis, Seigneur descend? Oh Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, descend. Ah bon? Donc il n'est plus fidèle à sa parole. Donc il y a des moments où il te laisse quoi? Il va ailleurs. Il va faire un voyage. Il t'a laissé seul. Ah bon? Alors qu'il t'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quel Seigneur? Tu dis, oh Seigneur, descends. Ah bon? Donc il t'abandonne, il va ailleurs. Hein? Il va voyager, il va en voyage. Il t'a laissé en France, il est parti au Japon, il va revenir après. Seigneur, descends. Non, il est avec toi tous les jours. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Tu ne seras jamais seul. Parce qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas un menteur. Crois à cette parole, crois à ça. À chaque fois que tu sois chez toi ou ailleurs, il est là. Tu es au boulot, il est avec toi. Tu es à l'école, il est avec toi. Tu voyages dans un car, il est avec toi. Tu es dans l'avion, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Attention aux prières des incrédules. Oh Seigneur, nous t'invoquons. Oh Seigneur, descends. Mais il habite en toi, il descend, il est où? C'est pourquoi Jésus pouvait dormir dans la barque. Jésus a toujours dit, je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est pourquoi il pouvait avoir la confiance. La foi, c'est la foi. Regardez comment Jésus va se comporter. Jésus donne un enseignement aux disciples afin qu'ils comprennent ce que c'est que la foi. Est-ce que la tempête était là réelle? Oui. Est-ce que la barque faisait ça? Oui. Mais ça n'a pas amené Jésus à paniquer. Toi, moindre petit pépin, tu paniques. J'ai vu une femme qui dit qu'elle est chrétienne. Son bébé était malade. Elle prend le téléphone, elle appelle le médecin. Et tous les 5 minutes, elle avait prié pour l'enfant. Hein. On était là. Tous les 5 minutes, elle pose la main sur la tête de l'enfant pour tester le degré de chaleur. Oh, l'enfant là a toujours la fièvre. La tête la chauffe. Oh, vraiment, il faut que le médecin arrive. La tête chauffe. Mais où est ta foi? Où est ta foi? La tête de l'enfant chauffe. Ta ta foi est où, même si ça brûle comme un fer chauffé à 100 degrés, Dieu est Dieu. C'est pourquoi Jésus était tranquille dans la barque. Beaucoup n'ont pas la foi. Et tous les 5 minutes, ils posaient la tête sur la main sur la tête de l'enfant pour tester le degré de chaleur. Est-ce que la chaleur a baissé ou pas? Mais ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Là, tu fais comme Thomas. Tu veux, tous les 5 minutes, tu vérifies. Tu as besoin d'une preuve. Jésus a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans preuve. Mais qui croient qui? La foi, c'est la confiance en Dieu. Seigneur éternel, je me confie en toi. Je sais que rien ne m'arrivera tant que tu es avec moi. Beaucoup de personnes paniquent parce qu'ils croient que Dieu est là-bas loin d'eux. Alors que Jésus a dit, je suis avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi tu paniques? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment? Il t'a dit qu'il est avec toi. Tu n'as pas à paniquer. Il est avec. Jésus n'habite pas dans le bâtiment que tu appelles église. Il ne dort pas là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'il dort. Il est en toi. Tu vas à l'église pour aller écouter la parole. Pas pour rencontrer Jésus. Parce qu'il y a des langues, des trucs comme ça. Tu ne vas pas à l'église pour rencontrer Jésus. Je parle ici du chrétien, pas du païen. Tu ne vas pas à l'église pour rencontrer. Quel Jésus tu vas aller rencontrer à l'église alors qu'il habite en toi? C'est en toi qu'il habite. Tu ne vas pas à l'église pour aller le rencontrer puisqu'il t'a dit je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi dans ta maison. Il est avec toi dans ta chambre. Il est avec toi à l'école. Il est avec toi à ton lieu de travail. Tu ne vas pas dimanche pour aller le rencontrer puisqu'il habite en toi. C'est tout. C'est ça déjà la foi. Si tu ne crois même pas à ça, c'est même pas la peine. Tu dois d'abord croire qu'il est avec toi à tout moment. Il y a des gens qui, quand ils prient, ils croient que Jésus est là-bas dans les nuages. Il habite en toi. Il habite en toi. La foi commence là. La foi commence là. Quand tu es à genoux, tu devrais dire, Seigneur Jésus, bonjour. Je sais que tu es là. Et tu lui parles, puisqu'il est là. Non, Seigneur, nous t'invitons. Mais il est en toi. Moi, quand je mets mes genoux, Seigneur, je te remercie pour la journée. Merci parce que tu as été avec moi aujourd'hui. Oh Seigneur, vraiment ça, voilà ce qui a été le problème. Oh Seigneur, il est là avec moi. Il n'est pas dans les nuages. Il est en toi. Il ne t'a pas laissé seul. Il ne t'a pas laissé orphelin. Il habite en toi par le Saint-Esprit. Il est là. C'est pourquoi Jésus pouvait dormir dans la barque. Et les disciples qui étaient incrédules, ils étaient en train de paniquer. Seigneur, comment se fait-il que tu dors? Nous périssons. Ils l'ont réveillé. Mais Jésus sentait bien comment la barque faisait ça. Mais Jésus disait, Satan, tu perds ton temps. Tant que mon jour n'est pas encore arrivé, tu perds ton temps. La confiance totale en Dieu. Avoir la foi en Dieu ne veut pas dire que tu n'es pas en danger. Ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. Non, c'est l'assurance que, quelles que soient les menaces, quel que soit le lion, quelle que soit l'arme, quel que soit vos coups de sorcellerie ou vos envoûtements, tant que Dieu est avec moi, tout ça n'a pas d'effet. La sorcellerie ne me fera rien parce qu'il est avec moi. Beaucoup ont peur quand ils dorment la nuit, les sorciers vont venir me toucher, mais Jésus habite en toi. Comment le sorcier peut venir te toucher si Jésus est en toi? Il est en toi. Quel sorcier qui va venir te toucher? Vous vous rendez compte? Et Jésus se lève, il a dit, il a donné seulement une parole, le vent s'est calmé. Les disciples sont étonnés. Oh, même la tempête lui est soumise. Ils sont paniqués. Bien-aimés, frères et sœurs, soyons fermes. Élisabeth, la Bible dit, elle et son mari, ils étaient fidèles à Dieu d'une manière irréprochable. C'est ce que la Bible dit. Mais Élisabeth ne faisait pas d'enfant. Vous croyez qu'Élisabeth ne voulait pas d'enfant? Si! Elle voulait d'enfant depuis longtemps. Elle voulait un enfant. Elle était mariée, ce n'était pas une demoiselle. Elle était mariée à Zacharie. Elle voulait un enfant depuis longtemps. Mais Élisabeth n'a pas dit comme l'enfant tarde. Dieu là, j'en ai marre parce que je ne vois rien. C'était une femme de foi. Quand on est une personne de foi, on ne regarde pas le temps. Mais je peux te dire, Dieu dit, si tu es sage, non seulement il est content, mais c'est alors qu'il pourra répondre à celui qui l'outrage. Ce sont les moqueurs qui l'outragent. Où est la promesse de son avènement? Où est la bénédiction depuis que tu vas là à l'église? C'est ce que les païens vont te dire, les moqueurs. Oh, tu nous fatigues là, Jésus, Jésus, Jésus. Nous, on ne voit rien. Tu es toujours comme on te connaît. On ne voit pas de changement. Ton histoire de Jésus là-bas ailleurs. Ce sont des moqueurs. Et quand ils font ça, c'est Dieu qui est indexé. En fait, ils sont en train de dire, ton Dieu là, on ne voit rien. Il n'est capable de rien. Puisque quand on te regarde depuis que tu vas à l'église là, mais tu es toujours comme on te connaît. Nous, on ne voit pas de changement. Je vais vous prendre l'exemple d'une femme de foi. Élisabeth, la femme de Zacharie. Vous allez remarquer que lorsque l'ange Gabriel vient parler à Marie, qu'est-ce que l'ange dit? Celle qu'on appelait stérile. Je t'informe qu'à l'heure où je te parle là, elle a son sixième mois. Bien-aimé, remarquez quelque chose. Est-ce que Gabriel, c'est un homme? Non. Est-ce que Gabriel habite sur terre? Non. Est-ce que Gabriel habitait dans le même quartier que Zacharie et sa femme? Non. Gabriel habite au ciel. Mais depuis le ciel, tout le monde était au courant là-bas qu'on se moquait d'Élisabeth au ciel. Je veux que tu saches que les gens qui te jugent là, qui se moquent de toi là, tout le monde au ciel le sait qu'on se moque de toi, même Dieu. Jésus est au courant qu'on se moque de toi. Jésus entend tout, ce qu'ils te disent. Gabriel revient du ciel et il dit, Élisabeth là, elle est à son sixième mois. Celle que les hommes appellent stérile, je t'informe Marie, que là elle est au sixième mois de grossesse là. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Gabriel revient du ciel. Donc tout le monde, les anges de Dieu, tout le monde là-bas, était au courant que les païens se moquaient d'Élisabeth. Donc il faut que tu saches que la situation que tu traverses, Dieu est au courant. Tout le monde est au courant là-bas. Tout le monde sait ce que tu endures là. Tout le monde sait les galères que tu traverses. Il faut que tu restes dans la foi. Vous vous rendez compte? Élisabeth, la Bible dit d'une manière irréprochable. Si tu as la foi en Dieu, tu ne dois pas t'arrêter parce que ça fait un an, tu ne vois rien. Ça fait cinq ans, tu ne vois rien. Si tu es vraiment, tu as la foi en Dieu, tu dois aller au bout. Même s'il faut que la bénédiction arrive après mille ans. C'est une façon de parler. Tu restes ferme. C'est ça, des personnes comme ça. Regardez un peu. Lorsque le diable a commencé à frapper Job, même sa propre épouse lui a dit, maudit Dieu, tu perds ton temps, quel Dieu là, nanana. Mais oui, Satan va pousser des personnes pour venir te dire, oh, ne vois rien. Arrête tes histoires de prière là. C'est le diable pour que tu t'arrêtes, pour te bloquer. Il n'y a personne, que ce soit à la première page de la Bible, ni à la dernière page, qui s'est confié à Dieu et qui est resté ferme, qui n'a pas reçu la bénédiction. Quand on est ferme, Dieu ferme la bouche des moqueurs. C'est pourquoi il te dit, mon fils, sois sage, pour que je puisse répondre à ces moqueurs-là. Mais ton incrédulité peut le bloquer. Parce que la Bible dit quoi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand Dieu voit la foi, Dieu agit. Ça ne veut pas dire que parce que tu as la foi au moment où je parle, s'il a planifié que je vais donner à mon fils une voiture dans 10 ans, tu peux pleurer. Il a dit dans 10 ans. Dieu ne change pas son plan par rapport à tes humeurs. Dieu ne change pas son plan parce que tu pleures. Dieu ne change pas son plan parce que tu murmures. Dieu n'est pas comme ça, on ne peut pas l'influencer. Dieu n'est pas celui qui, dans son dossier, il a écrit, ça que je vais faire ça mercredi, comme tu pleures, il barre, non, maintenant je vais faire ça vite. Dieu ne marche pas comme ça. Si tu veux aller dans le monde, tu vas dans le monde. Il ne va pas changer son programme. Non, parce qu'il ne se trompe jamais. Il connaît le bon moment pour toi. Il faut que tu saches, c'est très important ce que je vais te dire. Les bénédictions que Dieu manifeste dans ta vie, oui, tu te réjouis. parce que tu bénéficies de ces bénédictions. Mais il y a quelque chose de très important. Dieu veut être glorifié. Dieu veut se servir de cette bénédiction qu'il va faire descendre sur toi pour toucher les cœurs des païens. C'est très, je t'en prie, mon frère, ma soeur, mets ce dans la tête. C'est pourquoi il a un plan. Parce que les moqueurs vont s'acharner sur toi. Oui, Satan va les pousser pour qu'on te dise, oh, parfois même les membres de ta famille. Mais là, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, c'est pour qu'il soit honoré. Et cette bénédiction, n'est-ce pas, c'est dans le plan de Dieu pour toucher les cœurs des incrédules. Regardez un peu le centenier. Il a entendu tout ce que Jésus disait. Il ne croyait pas le centenier. Il a entendu la parole que Jésus prêchait et que ce centenier ne croyait pas. Mais quand ce centenier devant la croix, quand il a vu Jésus rendre l'âme et ce qui s'est passé au moment où Jésus a rendu l'âme, que dit le centenier? Vraiment, il ne mentait pas. Il est le Fils de Dieu. Regardez, parce qu'il a vu quelque chose qui se passe à ce moment-là. La Bible dit que lorsque la vieille Élisabeth tombe enceinte, quand elle a accouché, qu'est-ce que la parole dit? Allez lire. La Bible dit, dans toute la région, c'est le bébé de Jean-Baptiste qui était le sujet de conversation. Tout le monde parlait de ce bébé. Tout le monde, allez lire, dans toute la région. Et pourtant, il y avait beaucoup de femmes qui avaient accouché. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient des bébés. Quand Dieu va faire descendre sa bénédiction dans ta vie, tous les moqueurs là vont fermer la bouche. Ils vont changer de langage. Tout le monde s'entretenait du bébé d'Élisabeth. Mais ce bébé, non seulement il devait accomplir la volonté de Dieu, mais ce bébé était aussi venu afin que des incrédules comme Thomas croient. Parce que les gens pouvaient se dire, mais non, elle était largement dans la ménopause. Comment elle peut accoucher? Ce qui fait que des personnes comme Thomas, qui veulent croire en Dieu, que lorsqu'ils ont la preuve, ils sont au pied du mur, ils ne savent plus quoi dire. Obligés de croire. Ah oui, là il n'y a rien à dire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ça, attends, une vieille femme comme ça, non. Ça ne peut être que Dieu. Là, Thomas croit parce qu'il a vu. Mais il faut que tu saches que dans ce que Dieu a programmé pour ta vie, ce n'est pas forcément pour que tu sois dans des belles voitures. C'est aussi pour sa gloire, afin de manifester sa gloire, parce que tout ce que Dieu fait sur nous, c'est pour que des âmes soient sauvées. Oh là là, mon frère, comprends-le. Ça fait des mois que tu pries. Ça fait des années que tu pries. Dieu a une manifestation. Il a quelque chose qu'il va faire. Cette chose qu'il va faire va fermer la bouche des moqueurs, des gens qui se moquent de toi là. Et ces personnes seront au pied du mur. Lorsqu'ils vont mourir et aller de l'autre côté, ils ne pourront pas dire qu'on n'a pas vu un miracle de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, ne croyez pas que c'est moi qui va vous accuser lorsque vous serez devant mon Père. Mais c'est la parole que vous avez entendue. C'est cette parole-là qui va vous mettre par terre. Personne ne pourra plus dire, n'a pas entendu. C'est pourquoi Jésus a dit, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui ne vous croit pas, secouez la poussière de vos pieds et continuez. Parce que c'est la parole qu'ils ont entendue, là, qu'ils ont rejetée. C'est cette parole-là qui va les bloquer devant. Mon fils, sois sage. Réjouis mon cœur et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Bien-aimé, je vais relire dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 3 à 4, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Marchons selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Toi qui nous fatigues là, Jésus, Jésus, où est la promesse de Dieu? Il a promis te bénir. Tu nous parles d'un Dieu qui bénit, mais toi, depuis que tu vas à l'église, là, nous, on ne voit pas de changement dans ta vie. Élisabeth et Zacharie, vous priez, vous priez, vous priez. Regarde, Zacharie est en train de... Ta femme vieillit là. Non. Zacharie, toi et ta femme là, vous marchez dans le faux. Non. Je ne peux pas croire que si vous êtes vraiment fidèle à Dieu, Dieu ne vous donne pas un enfant. Ça, c'est les paroles des païens. Non. Ça, c'est Zacharie qui passe et sa femme... Ils vont à l'église, oh, c'est des histoires. Attends, Dieu est un Dieu d'amour. Si vraiment ils étaient sincères, Dieu leur aurait déjà donné un enfant depuis longtemps. Non, non, non, c'est des faux croyants. Beaucoup sont comme ça, comme il n'y a pas de bénédiction qui se manifeste, on te traite de tous les noms. On dit que tu es un faux croyant parce qu'il ne voit rien. C'est une ruse du diable. Ne ferme tes oreilles à ça. Mais il faut que tu comprennes, comme Gabriel l'a dit à Marie, le ciel est au courant de tout ce qu'on te dit. Le ciel connaît tout ce que les païens te disent là. Qu'ils soient des membres de ta famille ou pas, le ciel sait tout ce que tu endures. Le ciel est au courant de tout ce qu'on dit de toi. Il faut que tu sois ferme. Sois comme Élisabeth. Sois comme Jésus dans la barque. N'aie pas peur. Si l'enfant doit venir dans ton ventre dans 10 ans, reste ferme. Si le mariage doit venir dans 5 ou 1000 ans, reste ferme. Tu n'es pas avec Jésus par intérêt. Tu ne vas pas lui tourner le dos parce que tu n'as pas de travail. Tu n'es pas venu vers lui par intérêt. Tu n'es pas là par intérêt. Tu es venu pour que tu sois sauvé. Parce que c'est lui le sauveur. Ne sois pas avec lui par intérêt. Ne lui dis pas, bon, si au bout de 5 ans je ne vois rien, je m'en vais. Non. Ne sois pas là par intérêt. Si la mort doit te frapper, tant pis, que tu meurs dans ses mains. Gloire à Dieu. Reste ferme. Ferme tes oreilles aux moqueurs. Parce que Satan veut utiliser des moqueurs contre toi pour que tu tombes, ta foi tombe. Voilà des fils et des filles de Dieu qui tiendront ferme. Qui vont cracher sur le visage de Satan. Cracher sur la figure du diable. Et que Satan pourrait dire, celui-là, je peux le marcher dessus. Mais lui-là, c'est même pas la peine. Voilà. Dieu a besoin. Dieu veut ce peuple-là, des hommes et des femmes déterminés. Les circonstances du monde ne les arrêtent pas. Ils sont fermes. Confiance totale. Confiance totale. Aucun sorcier ne peut te tuer. Parce que Jésus habite en toi. Aucune incantation ne peut se manifester en toi. Parce que Jésus habite en toi. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il ne faut jamais croire qu'il est loin là-bas dans les nuages. Il habite en toi par le Saint-Esprit. À chaque moment, que tu sois chez toi, à ton lieu de travail, au marché, dans le train, tu prends l'avion, il est là. Tu ne vas pas à l'église de dimanche pour aller le rencontrer. Non, puisqu'il habite en toi. C'est la raison pour laquelle quand tu mets tes genoux par terre, moi quand je mets les genoux, le matin je dis, Seigneur Jésus, je te dis bonjour. Oh Seigneur, merci, j'ai bien dormi là. Merci beaucoup papa. Mais je veux juste te dire que pour la journée d'aujourd'hui, moi je compte sur toi. Seigneur, parce que c'est toi qui peux ouvrir les portes. Voici ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, Seigneur. Je voudrais que tu me guides dans ce que je vais faire. Je lui parle comme ça. Je ne récite pas un texte. Je n'ai pas de texte à réciter. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Quand tu récites un texte, la prière c'est tes paroles, c'est une communion avec ton Père. Tu n'as pas de texte à réciter. Ça doit venir de toi-même, tes propres désirs. C'est comme je disais à une femme, tu es malade, est-ce que tu pries? Oui. Tu pries comment? Je vous salue Marie. Je dis, mais tu salues Marie, mais tu es malade. Ça ne va pas dans ton corps. Tu dis que tu es malade et tu es en train de saluer Marie. Où est le rapport? Tu es malade? Dans ton corps, ça ne va pas. Tu dis qu'on va bientôt t'opérer et toi, tu salues Marie. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta guérison? Elle me regardait comme ça. Et j'ai prié pour cette femme. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, ton Père veut que tu sois sage. C'est alors qu'il pourra répondre à celui-là qui se moque de toi. Reste ferme, ne regarde pas le temps, ne regarde pas ton âge. Reste ferme, même si tu es dans la barque, le diable fait bouger la barque, reste ferme. Montre au diable que tu n'es pas venu vers Jésus par intérêt. Tu dois le prouver au diable, prouve au diable. Parce que le diable va te dire, oh, il n'y a pas de travail, ouais, tu n'arrives même pas à trouver un mari, ouais, tu n'arrives même pas à avoir un enfant. Réponds au diable que je ne suis pas venu vers Jésus. Par intérêt. Parce que Satan va te dire, t'as vu ton âge, tu es toujours au chômage, t'as vu ton âge, les autres de ton âge ont déjà fait ça. Tu fais comprendre au diable que je ne suis pas avec Jésus pour un enfant, pour un travail, je suis avec Jésus parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Et il me l'a prouvé par son sacrifice à la croix. Donc je ne suis pas ici parce que je cherche un mari, je ne suis pas ici parce que je cherche un travail, je ne suis pas avec lui par intérêt. Que Dieu vous bénisse.